monde sourd, comment j'écris des mots d'amour, sourd à mon idéal amoureux, qui n'est pas une fleur bleue, pour la jeune fille du dimanche. Je suis un chanteur qui chante de temps en temps, et j'écoute Bruce Springsteen en souvenir de Born America. Fin à mort, amour pour toi, fin à mort. Amour courtois, le monde est sourd, sourd au cri de toujours, toujours regarder devant, jamais tourner la tête, toujours espérer. Le monde est sourd quand j'écris des mots d'amour. Troubar, troubadour, seulement trop d'olion. Troubar, troubadour, seulement d'olion. Fin à mort, à mort, amour courtois. Une amour, amour, amour, amour.